Préface. On connaît sous le nom d'Edda deux recueils écrits dans la langue qu'on parlait en Islande au Moyen-Âge. Le premier contient les pièces de vers détachées, c'est l'Edda attribuée à Zemund. Le second renferme des récits en prose et on l'appelle l'Edda de Snorri. Tout le monde s'accorde à affirmer, et pour de bonnes raisons, que Zemund n'est pas l'auteur des antiques compositions en tête desquelles son nom est inscrit. Il n'a fait que recueillir des chants, des poésies, des traditions datant d'une époque plus reculée et conservées par la mémoire du peuple. Mais ce recueil a-t-il été fait par Zemund et portait-il primitivement ce titre d'Edda qui, par une belle synonymie, signifie à la fois science et aïeul? Voilà deux questions bien débattues mais non résolues et qui probablement comme tant d'autres ne le seront jamais d'une façon péremptoire. L'évêque de Skálholt en Islande, Brynjolf Sveinsson, qui trouva en 1643 le plus ancien manuscrit de l'Edda, le Codex Regius, y inscrivit de sa main le titre de Edda Zemundar Hins Froda, ce qui signifie Edda de Zemund le Savant. On ignore si l'évêque, en ce faisant, s'appuyait uniquement sur la tradition ou bien s'il possédait des indications plus précises. Ce que l'histoire nous apprend, c'est que vers la fin du XIe siècle, vivait en Islande un prêtre du nom de Zemund, très renommé pour son savoir. Il appartenait à une ancienne famille d'origine norvégienne qui avait embrassé le christianisme vers l'an 1000, en même temps que tous les autres habitants de l'île. Son désir de s'instruire le poussa à visiter l'Allemagne et même Paris. De retour dans sa patrie, il s'appliqua à réunir les traditions du paganisme scandinave, dont les autres prêtres s'efforçaient de faire disparaître jusqu'aux dernières traces. L'intérêt si vif qu'il portait au souvenir d'un culte détesté alors par les nouveaux convertis comme une inspiration diabolique lui valut la réputation de sorcier. Né entre 1054 et 1057, il mourut vers 1133. À l'école latine qu'il avait fondée sur son domaine héréditaire à Oddi, s'instruisit Snorri Sturluson, né en 1178, mort en 1241, qui écrivit le Heimskringla, la grande histoire du Nord, mais qui probablement ne rédigea pas l'Edda qui porte son nom. Ce recueil comprend deux morceaux différents. Premièrement, l'aveuglement de Gylfi, Gylfaginning. Deuxièmement, les entretiens de Bragi, Bragarodur. À la suite se trouvait un recueil de règles poétiques et d'exemples de poésie, le Skaldskaparmal, qui avait pour but d'enseigner l'art des skalds aux jeunes gens désireux d'apprendre à célébrer les antiques traditions religieuses et héroïques, patrimoine intellectuel de la nation. Il paraît établi que Snorri n'a point composé les pièces que contiennent l'Edda et la Skalda, il n'a fait que les recueillir. Les 37 pièces que l'Edda de Zemund renferme sont toutes, sauf deux en prose, écrites en vers, marquées non par la rime, mais par l'allitération. Cependant, dans beaucoup d'entre elles, on trouve quelques lignes de prose attribuées au compilateur. Elles ont pour but tantôt d'introduire les personnages, tantôt de suppléer à certaines parties du chant qui semblent ne point s'être retrouvées, tantôt de lui donner une conclusion. 16 de ces pièces sont consacrées aux traditions de la mythologie scandinave, aux Götterzagen, comme disent très bien les Allemands, c'est-à-dire aux sagas des dieux. 21 autres contiennent des Heldensagen, des sagas héroïques. Parmi celles-ci, 15 se rapportent aux personnages et aux événements du poème du Nibelungenlied. Ce sont celles-là que nous avons cru devoir traduire, afin qu'on puisse comparer la légende épique de Sigurd et de Gunnar, telle qu'elle nous apparaît dans les poésies scandinaves, avec celle que nous offre le poème germanique. On ignore complètement qui a pu composer les poésies qui forment l'Edda de Zemund. On reconnaît très clairement qu'elles ne remontent pas toutes à la même époque. D'après les érudits dont l'opinion a le plus de poids, les plus anciennes, dans la forme où nous les possédons, remonteraient au 8e siècle. Quelques-unes, comme les chants groenlandais d'Atli, ne dateraient que du 9e siècle, et même une d'entre elles, le 3e chant de Gudrun, pourrait être attribuée à Zemund d'après P. E. Muller. Si presque toutes ces poésies sont antérieures au 9e siècle, il en résulte qu'elles n'ont pu être composées en Islande, puisque cette île n'a été peuplée que vers 880 par les familles norvégiennes fuyant la tyrannie de Harold aux beaux cheveux. Comme presque toutes les poésies populaires, les chants de l'Edda sont d'auteurs inconnus, parce qu'ils sont sortis de l'inspiration spontanée de la muse populaire. Les skalds norvégiens leur ont sans doute donné la forme modifiée que Zemund a fixée définitivement en la confiant à l'écriture. Les sagas héroïques viennent incontestablement de l'Allemagne, ainsi que nous l'avons indiqué précédemment dans notre étude sur la formation de l'épopée. Quant aux sagas mythologiques, comme elles constituent le fond même des croyances religieuses, que les races blondes du Nord ont emportées avec elles en même temps que leur langue, quand elles ont quitté les hauts plateaux de l'Asie, on peut dire qu'elles appartiennent également aux Scandinaves et aux Germains. Le premier chant qui concerne la tradition épique de Sigurd est intitulé Sigurd Darkvida Fafnispana Fyrsta Edda Greppispa, c'est-à-dire le premier chant de Sigurd, vainqueur de Fafnir, et les prédictions de Gripir. C'est un dialogue entre Sigurd et Gripir, le plus sage de tous les hommes et qui connaît l'avenir. Sigurd veut connaître sa destinée et Gripir finit par la lui dévoiler. C'est comme un résumé rapide de toute la saga. Ces prédictions de l'avenir sont fréquentes dans l'Edda. Elles répondaient aux croyances populaires et elles permettaient aux poètes de faire mieux saisir à ses auditeurs la liaison des divers événements de la tradition. Le second chant de Sigurd, Sigurd Darkvida Fafnisbana Enur, montre le héros à la cour du roi Jalprek, où il est élevé par Regin. Regin raconte à Sigurd l'origine du trésor que son frère Fafnir garde sur la Gnitaheide sous la forme d'un dragon. Il pousse le jeune homme à tuer Fafnir, mais Sigurd venge d'abord son frère Sigmund en tuant les fils de Heinding. Odin prend la forme d'un vieillard pour guider la barque du héros. Toute cette partie de la tradition est étrangère au Nibelungenlied. Ces souvenirs de la mythologie païenne, conservés dans le Nord, avaient dû se perdre en Allemagne sous l'influence des idées chrétiennes. Le chant de Fafnir, Fafnismal, raconte comment Sigurd tua d'abord le dragon, puis Regin lui-même qui voulait l'égorger pour rester seul maître du trésor. Nous sommes encore ici sur le terrain des mythes antiques. Le dragon Fafnir s'entretient avec son vainqueur, les oiseaux parlent, et Sigurd comprend leur langage, après que ses lèvres ont goûté du sang qui coule du cœur du dragon. Dans le Nibelungenlied, on ne retrouve plus qu'un écho affaibli de ces vieilles sagas. Quand Siegfried arrive à la cour burgonde, Hagen, qui le reconnaît, dit quelques mots des exploits du héros. Il sait qu'il a tué le dragon, mais il ajoute qu'il s'est baigné dans le sang du monstre, ce qui l'a rendu invulnérable. Circonstance dont les chants de l'Edda ne savent rien et qui ne tend pas à relever la bravoure de Siegfried. C'est une façon matérielle et grossière d'exprimer sa force et son courage. Elle doit être postérieure à l'Edda. On la retrouve dans une légende du Moyen-Âge, le Hörner Siegfried, Siegfried à la peau de corne, et déjà le Nibelungenlied remarque que sa peau est dure comme de la corne. Hagen sait aussi que Siegfried a conquis un inépuisable trésor. Seulement, ce n'est pas en tuant le dragon, c'est en tuant les deux fils du roi Nibelung qui se disputaient le riche héritage de leur père. Ainsi, toute cette partie de la tradition épique n'est entrée dans le Nibelungenlied que déformée et effacée. On sent qu'on a quitté depuis longtemps la région des anciens mythes germaniques et scandinaves. Le chant de Sigurdrifa, Sigurdrifumal, nous montre Sigurd se dirigeant après sa victoire sur le dragon vers le pays des Francs. Monté sur son cheval Grani, il franchit les flammes qui entourent le bourg où repose la valkyrie Sigurdrifa, endormie d'un sommeil magique par l'ordre d'Odin dont elle a méconnu les volontés. Sigurdrifa, dont le nom de femme est Brunhild, se réveille. Elle accorde son amour à celui qui l'a délivrée et lui apprend les runes. Dans le Nibelungenlied, toutes ces circonstances sont oubliées. Il est dit seulement que Siegfried connaissait déjà Brunhild, et on devine que même après qu'elle a épousé Gunther, elle aime encore le jeune chef. Mais on s'aperçoit que le sens et l'enchaînement de l'antique tradition sont perdus. Dans l'Edda où Sigurd a trahi Sigurdrifa, qu'il aime toujours et qui se venge en le faisant assassiner, le nœud de l'action est plus simple et plus naturel. Le troisième chant de Sigurd, vainqueur de Fafnir, Sigurdhar kvida Fafnisbana tridja, n'est, d'après Lachmann, que le développement d'un chant plus ancien. Il dit en quelques mots que Sigurd a conquis Brunhild pour Gunnar, puis il peint l'amour persistant de Brunhild et sa jalousie. Elle pousse Gunnar à tuer celui qu'elle aime, mais c'est le jeune frère de celui-ci, Guttorm, qui assassine le héros, tandis qu'il reposait à côté de Gudrun. Dans le Nibelungenlied, Siegfried est tué par Hagen, dans une grande chasse au-delà du Rhin. Ici, Brunhild, désespérée, se tue et prédit, avant de mourir, que Gudrun épousera Atli et que celui-ci fera périr Gunnar pour venger l'honneur d'Odrun que Gunnar séduira. Tout ce chant est fort beau et peint bien les anciennes mœurs scandinaves. Le morceau qui porte le titre de « Brot af Brunhildarkvida », fragment d'un chant de Brunhild, se rapporte aussi à la mort de Sigurd, mais ici on a suivi la tradition allemande qui fait périr le héros dans une forêt loin de sa demeure, comme dans le Nibelungenlied. Seulement, c'est aussi le jeune Guttorm qui lui porte le coup mortel. Le chant intitulé « Helreit Brunhildar » ne fait connaître aucun nouveau fait important de la légende. Brunhild morte et descendue dans le royaume de Hel raconte comment Sigurd l'a délivrée du sommeil magique auquel Odin l'avait condamnée. Cette poésie a un caractère vraiment épique et paraît très ancienne. Le morceau suivant, Gudrunarkvida Fiesta, est moins ancien, mais il est encore plus beau. Il a pour but de peindre la douleur de Gudrun après la mort de son époux. Et il le fait d'une manière sublime. C'est une des rares pièces de l'Edda qui soit tout à fait lyrique et qui ne contribue pas à faire marcher l'action. Le récit en prose Drapniflunga, la mort des Niflungen, est probablement rédigé par le compilateur de l'Edda. C'est le résumé rapide de tous les événements qui suivirent le meurtre de Sigurd. Le deuxième chant de Gudrun, Gudrunarkvida Enur, nous montre la veuve de Sigurd racontant ses douleurs au roi Tidrek, exilé auprès d'Atli. Nous y voyons comment Gudrun a consenti à épouser Atli après que sa mère Krimhild lui a fait boire la coupe de l'oubli. Le Nibelungenlied ne s'est pas trop éloigné ici de la tradition contenue dans l'Edda, quoiqu'il soit évident que le poème du XIIe siècle est puisé à des sources allemandes et non aux sources scandinaves. Le troisième chant de Gudrun, Gudrunarkvida Tritja, rapporte une circonstance dont il n'y a pas trace dans le Nibelungenlied. Herkja, la Herke historique de Priscus, est d'après la tradition allemande la première femme d'Etzel, et il n'épouse Krimhild qu'après sa mort. Ici, Herkja est une servante d'Atli, sa maîtresse sans doute, qui, jalouse de Gudrun, l'accuse d'avoir eu des relations coupables avec Tidrek. Gudrun se justifie par les preuves de l'eau bouillante et Herkja, convaincue de calomnie, est étouffée dans un marais suivant les anciennes coutumes germaniques. La plainte d'Odrun, Odrunarkratr, est d'après tous les critiques une composition relativement récente qui rapporte des faits étrangers à l'ancienne tradition. Odrun est la sœur d'Atli. Gunnar l'aurait séduite, et c'est pour la venger qu'Atli attire les Niflungen à sa cour pour les faire périr. Dans le troisième chant de Sigurd, une strophe rappelle aussi ces faits, mais on suppose qu'elle est interpolée. En tout cas, d'après la tradition ancienne, Atli fait mourir Gunnar et Hogni pour venger Brunhild et non Odrun. Les deux chants suivants, Atlakvida et Atlamal, nommés chants groenlandais parce qu'ils furent composés dans la province norvégienne, le Groenland, racontent tous deux les mêmes événements, seulement le second les rapporte avec plus de développement que le premier. Nous sommes ici sur le même terrain que dans la seconde partie du Nibelungenlied. Atli envoie des messagers à Gunnar et à Hogni pour les engager à venir à sa cour. Quoiqu'il prévoie le danger qui les y attend, ils s'y rendent. Ils sont aussitôt assaillis et ils succombent malgré leur valeur. On arrache le cœur de Hogni et Gunnar est jeté dans la tour au serpent. Seulement, ici se manifeste une différence fondamentale avec le poème du XIIe siècle. Dans les Edda, Gudrun veut sauver ses frères. Elle les avertit du piège, puis elle combat à leur côté. Et quand ils sont tués, pour les venger, elle égorge Atli et ses propres enfants. Elle obéit au sentiment qui lie les membres d'une même famille. C'est là la manière de sentir des temps primitifs. Dans le Nibelungenlied, au contraire, c'est elle et non Edzel qui provoque la mort de ses frères. Elle veut venger son mari. L'amour que l'épouse éprouve pour l'époux est le sentiment le plus fort. Le chant intitulé Gudrunarvet semble étranger à la tradition primitive et il paraît certain que le chant de harpe de Gunnar, découvert après l'Edda, n'est qu'une imitation moderne des chants anciens, comme les poésies d'Ossian. Le caractère propre des chants de l'Edda consiste, suivant Wilhelm Grimm, en ceci que jamais ils ne visent à donner un récit complet de la saga. Ils la supposent connue et ils se bornent à mettre en relief les faits qui devaient le plus frapper les auditeurs. Il est tenu peu de compte de la succession des événements. Le passé, le présent et l'avenir sont souvent confondus et nulle part on ne retrouve le développement graduel d'un récit épique. Les plus beaux chants, les plus anciens, ne renferment que des dialogues. Les strophes narratives servent seulement de transition. Souvent un fait saillant est indiqué en un seul mot. Ainsi, une ligne suffit pour raconter la mort de Sigurd. Il était facile d'exciter Guttorm. L'épée avait transpercé le cœur de Sigurd. Cette rapidité, cette brièveté énergique produit un grand effet, mais elle ne peut suffire au récit épique. L'expression est noble, simple, nette, sans ornement aucun. Les longues et majestueuses comparaisons dans le genre de celles d'Homère manquent complètement. Seulement chaque mot est pour ainsi dire une image, et fréquemment une personne ou un objet est désigné par un trait qui peint vivement l'impression que ces choses doivent produire. L'art fait défaut. Il n'y a nulle recherche de style, nulle préoccupation de l'effet, nulle idée esthétique. Ce sont bien là les productions spontanées de la muse populaire, et c'est cela même qui en fait le prix pour l'histoire comparée des littératures. On sait que des chants semblables à ceux de l'Edda ont précédé les grandes épopées nationales de l'Inde et de la Grèce. Mais ils sont perdus sans avoir laissé de traces. Ici, nous pouvons saisir les germes de l'épopée germanique et nous faire ainsi une idée du caractère général de cette période de la formation épique. De même que les astronomes distinguent dans le ciel des germes d'étoiles futures, de la matière cosmique ou sidérale en voie de développement, ici, nous pouvons étudier la matière épique avant qu'elle ait pris la forme définitive d'une épopée complète, achevée.